Louange à Dieu, nous le glorifions, nous lui demandons pardon, son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer, et celui que Dieu égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il y a une de divinité que Dieu, le seul et unique méritant d'être adoré, c'est lui. J'atteste que Mohammed est le prophète de Dieu et son serviteur, le modèle parfait envoyé aux hommes et aux génies. J'atteste qu'il est le bien le meilleur des adorateurs, ainsi que le guide des pieux. Que la prière de Dieu et ses bénédictions soient sur lui, ainsi que sur ses membres de sa famille les purifiés, ses compagnons les prosternés et tous ceux qui l'auront suivi jusqu'au jour dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler des erreurs commises dans la croyance que de nos jours beaucoup malheureusement commettent ces erreurs dans notre communauté à cause qu'ils suivent leur passion ou leur tradition. Alors je vais vous exposer les différentes erreurs commises. J'essaierai d'être le plus clair possible, ça ne vient pas de moi. Je dis ce que les savants disent à ce sujet. Là, moi, je suis juste un frère qui fait des rappels. Je suis ni imam, ni savant, et ni rien du tout. Je suis juste un grain de sable qui est éparpillé dans un désert. Voilà, mes chers frères et sœurs, si vous entendez mal, c'est normal. C'est une qualité vraiment de base gamme. Alors, s'il y a des petits craquements ou ça, on entend très bon ou quoi, c'est pas ma faute. C'est juste le petit micro que j'ai. Et j'en m'en excuse. Alors, les erreurs dans la croyance. Il y a 15 points qu'on parlera justement des erreurs sur la croyance. Premier point. Implorer le secours des morts, les évoquer, leur demander de l'aide, se rapprocher d'eux par une quelconque forme d'adoration, comme rechercher leur bénédiction et gronder pour eux, leur consacrer des vœux sur leur tombe. Tout ceci entre dans le polythéisme majeur qui exclut les personnes de l'islam. En fait, c'est Cheikh Ekbar, tous ces gens-là qui commettent ces erreurs-là sortent de l'islam. Comme Allah le Très-Haut dit, quand celui qui évoque avec Allah une autre divinité alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, il rendra compte de ses actes uniquement auprès de son Seigneur. Certainement, les mécréants ne connaîtront jamais la réussite. Surat les croyants, verset 117. Il dit aussi, les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Surat les djinns, verset 18. Il dit également, dit, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, il n'a nul associé. Surat les bestiaux, verset 62-63. Le prophète, que la prière, le salut et la bénédiction soient sur lui, a dit « L'invocation, c'est l'adoration » rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Dans le deuxième point, mettre des porte-bonheur qui comportent du polythéisme, porter des amulettes ou des talismans par crainte du mauvais œil ou contre les mauvais œils et la jalousie. Tout ceci est également du polythéisme majeur. Comme notre prophète, notre bien-aimé, que la prière et le salut et la bénédiction soient sur lui, a dit, celui qui suspend une amulette a commis un acte de polythéisme, apporté par Hamad. Dans le troisième point, questionner les divins, les voyants ou les sorciers et croire à leurs paroles, ceci est de l'incroyance, car le prophète, que la prière, le salut et la bénédiction soient sur lui, a dit, celui qui se rend chez un divin ou une voyante et croit à sa perdition en écrue à ce qui a été révélé à Mohammed, rapporté par Hamad. Quatrième point, prétendre connaître le connaissable ou prétendre avoir accès au tablette préservé du destin, ceci est de l'incroyance, car Allah le Très-Haut dit, personne dans les cieux et de la terre ne connaît l'inconnaissable sauf Allah. Et il ne sait même pas quand ils seront ressuscités. Surat les fourmis, verset 65. Il dit aussi, et c'est lui seul qui détient les clés de l'inconnaissable, personne ne les connaît sauf lui. Surat les bestiaux, verset 69. Cinquième point. Beaucoup de gens comprennent la parole, il n'y a pas de vraie divinité sauf Allah, comme étant uniquement l'affirmation de l'adoration à Allah. Or, ceci est une explication incomplète. En effet, son sens est « Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah ». L'affirmation de l'adoration à Allah est la négation de toute forme d'adoration à autre qu'Allah, le Très-Haut, le Puissant, le Sage. La preuve est dans la parole suivante d'Allah, le Très-Haut. Nous avons certainement envoyé dans chaque communauté un messager qui leur disait adorer Allah et rejeter le Tarot. Sourate les Abayes, verset 36. Le Tarot, c'est tous ceux qui adorent autre chose qu'Allah. Il est donc obligatoire de désavouer les polythéismes et ses partisans, les Tarot. Point 6. Jurer par autre qu'Allah, même si le but n'est pas de vénérer la chose par laquelle on jure, comme on vénère Allah, par exemple, jurer sur l'honnêteté, sur la morale ou sur l'honneur, tout ceci est du polythéisme mineur, car le prophète, prière et le salut, la bénédiction soit sur lui, a dit « Celui qui jure par un autre qu'Allah a commis un acte d'incroyance ou de polythéisme » rapporté par Al-Tirmidhi, Abu Daoud et Hamad. Également, il dit « Celui qui jure sur l'honnêteté n'est pas des nôtres » rapporté par Abu Daoud. Septième point. Prendre les tombes comme mosquée ou lieu de prière, ou faire des invocations auprès d'elle. C'est une innovation détestable et une voie vers le polythéisme, car le prophète, la prière et le salut, la bénédiction soit sur lui, a dit « Allah maudit les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées. Ne prenez pas les tombes comme mosquées, car je vous l'ai interdit. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit aussi « Ne priez pas en direction des tombes. » Rapporté par Muslim. Huitième point. Construire sur les tombes les plâtres écrits dessus ou y planter des arbres, ce sont des innovations répréhensibles. Jabir ibn Abdallah, qu'Allah l'agré, rapporte. Le messager d'Allah, que la prière et le salut sur lui, a interdit de plâtrer les tombes, de s'asseoir dessus et de construire dessus, rapporté par Muslim. Et dans une autre version authentique rapportée par Al-Tirmidhi, il rajoute et d'écrire dessus. Comme on voit partout, chez les chrétiens et autres, ils écrivent dessus, ou ils mettent des statues, ou ils élèvent les tombes, toutes ces choses. Deuxième point. Être allié des mécréants et les aimer d'après la parole d'Allah le Très-Haut. Certes, vous avez un bon exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui. Lorsqu'ils dirent « Oh leur peuple, nous vous désavouons ainsi que ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous réunions entre nous, l'animosité et la haine sont apparues à tout jamais, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. » Sourate éprouvé, verset 4. Dixième point. Être allié de son clan ou de son pays au détriment de l'alliance et du désaveu pour la croyance qui se traduit par l'amour par Allah et la haine pour Allah. C'est une grave erreur. Le prophète, que la prière et le salut sur lui, a dit « Celui qui aime pour Allah et est pour Allah, donne pour Allah et prive pour Allah à compléter sa foi. » Apporté par Abu Daoud. Onzième point. Organiser différentes fêtes dans le but de se rapprocher d'Allah, comme célébrer l'anniversaire de naissance du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, comme vous le connaissez très bien. Certaines sectes, le nouvel an ou l'ascension du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, tout ceci constitue de l'innovation. Le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, a dit « Celui qui innove dans notre religion, ce qui... » Excusez-moi, parce que j'ai perdu la page. « Ce qui n'en fait pas partie, son acte est rejeté. » Al-Bukhari et Muslim. Également dans hadith rapporté par Al-Ibad Ibn Saliyah, Le prophète, la prière et le salut sur lui a dit, attachez-vous à ma sunna et à celle des khalifas qui est guidée après moi. Tenez-y fermement, prenez garde aux nouveautés de la religion, car toute nouveauté est une innovation. Rapporté par Ahmed, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Deuxième point, accomplir une quelconque adoration dans le but de se rapprocher d'Allah sans qu'elle n'ait aucune d'origine de la religion, par exemple veiller toute la nuit du 15e jour de Sha'ban, jeûner particulièrement le mois de Rajab, fixer des jours particuliers ou des semaines ou des mois pour accomplir des adorations non légiférées. En effet, le prophète que la prière et le salut soient sur lui a dit, toute innovation est un égarement, rapporté par Muslim. De plus, Ibn Mas'ud a dit, toute adoration que les compagnons de Mohammed n'ont pas fêtée, ne la fêtez pas, car les premières générations n'ont pas laissé le choix aux derniers. Treizième point, se moquer de la religion de ses adeptes ou de certains de ses rites, par exemple se moquer de la barbe, l'événement, au-dessus des chevilles, c'est un domaine très grave et une voie vers l'incroyance, car se moquer d'Allah, de son messager, que la prière et le salut soient sur lui, ou des rites de la religion est un acte d'incroyance. En effet, Allah le Très-Haut dit, si tu le questionnais, il dirait certainement, nous ne faisions que bavarder et nous amuser. Dis, est-ce d'Allah est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien écrit après avoir eu la foi. Sourate le reportir, verset 65-66. Excusez-moi parce que je suis un peu fatigué, alors voilà. Je mélange un peu tout. 14e point. Chercher à rassembler aux mécréants. Le prophète, qui l'a prié et le salut sur son lit, a dit, lui qui cherche à rassembler un peuple en fait partie. Abu Daoud. 15e point. Introduire des mécréants dans la péninsule arabique, sans raison valable. Le prophète, qui l'a prié et le salut sur son lit, a dit, faites sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique, jusqu'à ce qu'il ne reste que des musulmans. Rapporté par Muslim. Nous demandons à Allah de nous pardonner nos erreurs et nos négligences, et Allah est le plus savant. Voilà mes chers frères, excusez-moi pour mes quelques petites erreurs ou mes petits blocages, et aussi excusez-moi pour la qualité de l'enregistrement, car c'est vraiment une qualité très basse. On fait avec ce qu'on peut. Et voilà, mes chers frères et sœurs, juste faire un rappel, revenez à la science, revenez à la sunna et le Coran, revenez au Coran et la sunna, le prophète sallallahu alayhi sallatou wassalam, car le prophète sallallahu alayhi sallatou wassalam nous a dit, attachez-vous à ma sunna. Alors Allah nous a envoyé les prophètes pour les suivre, alors il faut les suivre comme il se doit. Oui, on fait des erreurs, nous sommes humains, mais les erreurs, il faut les réparer par de bonnes actions. Et repartir, c'est la meilleure chose pour se laver des péchés, c'est la prière. Voilà mes chers frères et sœurs, aujourd'hui c'était le chapitre des erreurs dans la croyance. Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'Allah protège nos frères et sœurs qui sont opprimés dans le monde, qu'Allah donne la victoire à nos combattants. Et qu'Allah protège nos familles, qu'il nous guide vers le bon chemin, qu'il nous éloigne des sectes innovateurs. Et voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.